et vinrent les héros. Ce que l'on a conçu est en danger de mort, et les fiers humains, les génies, les savants, tous les investisseurs et les hommes d'argent enterrent la vie même sous un monceau d'or. Le temps des gaies jouissances est désormais fini quand apparaît l'urgence de demain plus sain, sauf à laisser ourdir d'égoïstes desseins nourrissant les abus de quelques impunis. Et ceux qui ne sont rien deviennent les héros d'un pays insoucieux du sort des invisibles, maintenant essentiels à la lutte terrible due à la faim vorace d'assassins viraux. Dans l'atonie passive des jungles urbaines s'activent quelques-uns auprès, dans l'anxiété, de leurs frères humains à la chair infectée, accablés en cette vie d'une cruelle déveine.